Thank you. Miami Vice, Sonny Crockett. Ah bien, ah oui, alors là, j'adore, j'adore. Vas-y, vas-y. J'adore ça. Ah, ça va mieux là. Thank you. Thank you.